Dossier 6, livre page 58. Moi, j'habite à Damas. C'est la capitale de la Syrie. C'est une belle ville. Il y a de grands immeubles, plusieurs monuments, des bibliothèques, des théâtres, des stades, une université et la vieille ville que j'aime beaucoup. Mais ce que je n'aime pas, c'est le bruit, le grand nombre de voitures, les usines et la pollution. Moi, j'habite à Kassab. C'est un joli village dans la montagne. Il y a beaucoup de verdure, d'arbres fruitiers et de jardins. Le nombre des voitures est limité. Ce que j'aime beaucoup, c'est l'air pur et le calme. Mais ce que je n'aime pas, il n'y a ni théâtre ni stade.